Alors, merci Jean-Claude. C'est un grand privilège d'être parmi vous. La dernière fois que j'étais ici, ça doit faire à peu près 7 ans. Alors, je suis très honoré d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de Dieu, hein, de la Bible. Bon, hein, c'est un bon sujet. Je veux vous parler de l'amour profond que moi j'ai pour la parole de Dieu. J'ai une grande passion pour la parole de Dieu. Et depuis ma conversion, ça fait plus d'un demi-siècle. Hein, j'étudie, puis j'ai soif de connaître la parole. J'ai compris que la richesse qu'il y avait là-dedans. Et elle m'a fait connaître, elle me fait connaître chaque jour plus le Seigneur Jésus et Dieu. Alors, Dieu m'a conduit à travers toutes ces années vers des ministères de la parole, un peu Jean-Claude en a parlé, et pour moi, c'est ma passion, dans l'enseignement, l'étude moi-même de la parole. Vous savez, c'est riche. Ça fait, comme je disais, une 50aine d'années que j'étudie la parole. Ce matin, j'écoutais le cours par Mathieu Caron, que je n'ai pas suivi. Puis j'ai appris des choses. Puis j'ai dit, hey, c'est riche. Et je n'avais pas remarqué ça. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein? On n'a jamais fini d'apprendre. Alors, et c'est ça que je veux vous parler. Je veux vous parler un peu dans ma passion, après avoir travaillé avec Sembeck des décennies. Depuis 2019, on a fondé IFPE, FTS, que vous connaissez aujourd'hui, pour vraiment offrir une formation qui vise l'excellence dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je vous encourage, je suis très, très content de voir ici l'intérêt pour la parole de Dieu et d'avoir qu'il y a des étudiants FTS, que vous regardez le cours de l'Ancien Testament. Le but, c'est FTS n'est pas profitable, mais on est toujours content, quel que soit le coût, de voir que des personnes étudient, approfondissent la parole de Dieu. C'est ça le but. Hein? Et c'est dans ça qu'on s'implique. Alors, c'est encourageant pour moi ce matin de voir l'intérêt de la parole de Dieu. Je veux vous encourager à continuer à approfondir. Les survols, c'est extraordinaire. Vraiment, là, dans tous les pays du monde, le réseau des écoles comme FTS, on commence par les survols, toute l'Église, et ça donne le goût, hein, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a fait, qui est Dieu, et de développer un amour pour Dieu et comment l'adorer. Alors, je vais vous donner quelques mots sur FTS. C'est un peu une application de notre message. Alors, je vais commencer avec ça. La mission, pourquoi on a fait FTS? La mission, c'est vraiment de former des enseignants, mais aussi, évidemment, d'équiper les membres des églises à connaître la parole et à connaître Dieu. Et trois grandes valeurs. Un amour pour la parole. C'est ça vraiment qu'on cherche à développer. Un amour pour la parole de Dieu qui va amener la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Qui est le Seigneur Jésus? À l'aimer et avoir une vie, on appelle ça une vie de piété, une vie qui nous amène à non seulement à aimer Dieu chaque jour davantage, mais à lui ressembler de plus en plus en le connaissant. Et tout ça dans le contexte de l'Église locale. C'est nos trois grandes valeurs. Pour nous, l'Église locale, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a formé, bien plus que toutes les organisations qui peuvent exister. C'est l'État, l'Église qui est le centre de tout. Alors, les trois valeurs, je vais vous en parler un petit peu. La première, c'est la connaissance approfondie des Écritures. Pas une partie des Écritures, pas juste le Nouveau Testament, toute l'Écriture. Toute l'Écriture. Et entière. Et on veut aller chercher chaque interprétation le plus proche possible des langues originales. Qu'est-ce que Dieu a dit? Hein, qu'est-ce que Dieu a dit? Et on veut affirmer l'assurance, la clarté, la suffisance, l'autorité sans compromis de l'Écriture. Il n'y a pas d'autre référence numéro un. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Hein? C'est l'Écriture de l'Éternel. Et quand on interprète, souvent dans le monde où nous vivons, les gens changent les règles d'interprétation de l'Écriture pour dire « Dieu n'a pas dit ça », ce qu'il a, un peu comme Satan a fait, le serpent a fait dans le jardin, changer un peu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut le prendre selon le style littéraire. On va tout changer ça. Alors nous, on croit que l'interprétation littérale, évidemment selon l'histoire et la grammaire, qu'est-ce que l'auteur voulait dire, mais avec un positionnement théologique clair. Alors, on ne veut pas vous donner 5 interprétations possibles. Voilà tout ce que tout le monde croit. Puis choisissez qu'est-ce qui vous plaît. Non, voilà ce que Dieu a dit dans la parole. Puis voilà ce qui est clair. Et les règles d'interprétation vont être les mêmes pour tous les livres de la Bible. Oui, on va tenir compte du contexte, de la culture, etc. Mais pour expliquer, mais on ne va pas changer le sens de ce que Dieu a dit avec le contexte. Alors, c'est vraiment une caractéristique de FTS et de ce qu'on veut faire. Et évidemment, ça nous amène à une vie de piété, où on veut développer, on veut amener par la parole, avec la parole, à développer une intimité avec Dieu. C'est quoi adorer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, adorer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Comment on fait ça dans la vraie vie là, de tous les jours? Hein, si je suis un jeune, je suis plus âgé, comment j'adore Dieu? Comment je le loue? C'est quoi que ça veut dire? Hein, et de m'améliorer, de m'écarter de mes péchés tranquillement, d'apprendre à me repentir, me détourner de mes péchés et développer un amour, cet amour profond pour Dieu et sa parole. On va le voir, ils sont liés. Hein, Dieu et la parole, c'est inséparable. Et différents moyens, la discipline du culte quotidien, on y travaille en équipe, se séparer de notre péché, de prier, d'apprendre de plus en plus à mémoriser des Écritures. Et le troisième, évidemment, c'est l'attachement, j'en ai parlé à l'église locale, qui doit être au centre de la formation. La meilleure place pour apprendre ce que la Bible dit, c'est dans notre église. Hein, il y a de tout sur Internet, il y a du bon, du très bon et du très mauvais. Alors, mais c'est à l'Église que nous devons apprendre. On a 4 autres caractéristiques qui différencient. Je ne passerai pas beaucoup de temps, mais c'est pour les leaders, on recherche les qualifications bibliques de 2 Timothée, Tite. Qu'est-ce que la Bible dit qu'un leader devrait être? L'intégrité. Alors, on va le voir, justement, on fait bientôt une conférence sur les compromis hein, qu'on fait dans la vie avec la culture. Le counseling biblique, parce que dans le monde d'aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres et tout ça, nous, on croit, non, la Bible, c'est la Bible qui doit dicter tout ce qu'on fait au niveau du counseling. Et bien sûr, la mission. Alors, vous parlez d'une mission au Cameroun, c'est extraordinaire. C'est une des caractéristiques d'FTS. On offre nos programmes en Europe, parce que le monde francophone, alors le cours que vous prenez, il se prend aussi en Europe et à Madagascar, et on veut l'offrir partout. Alors, la conférence, juste un mot sur la conférence, rapidement. Vous avez... je vous encourage, je ne sais pas si vous pouvez la regarder en ligne, mais ceux qui ont l'opportunité, surtout le vendredi, hein, le vendredi soir, si je comprends bien, il y a la sexualité sans compromis. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est un sujet où aujourd'hui beaucoup font des compromis. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions sur FTS, vous pouvez venir me voir, ça me fera plaisir de répondre. Et ça m'amène à ce que nous allons voir ensemble ce matin. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un moyen pour Dieu de se révéler à nous. Et on va regarder ça dans le psaume 19. On va utiliser le psaume 19. Alors, vous pouvez tourner dans le psaume 19. On va rester dans le psaume 19 ensemble. Et c'est un beau psaume. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Alors, c'est un psaume écrit par David. Vous savez que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ah, que j'aimerais entendre Dieu dire, Jean-Marie, c'est un homme selon son cœur. Ah, que j'aurais aimé entendre ça. Je pense, j'ai du chemin à faire. Alors, ça a été écrit par un homme selon le cœur de Dieu, et on veut explorer son cœur un peu, qu'est-ce qu'il va dire, pour peut-être lui ressembler un petit peu. Hein? Imaginez-vous, Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Pourtant, hein, il avait fait des péchés terribles. Un homme selon son cœur. Il s'est repenti. Alors, c'est un pécheur, mais sa caractéristique, David, il aime l'Éternel et sa parole. Et il a fait des péchés comme chacun de nous, mais il s'est repenti, il s'est humilié devant Dieu. On voit à travers la parole, ce qu'il a écrit, qu'il veut connaître l'Éternel, le seul Dieu, qu'il l'aime. Il veut approfondir sa relation avec Dieu. Et je pense que le psaume 19 veut nous amener à imiter un peu David, aimer Dieu, être selon le cœur de Dieu. Et ça va nous apprendre un peu aussi c'est quoi adorer Dieu. Comment? Eh bien, la première étape pour adorer Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est le connaître. C'est qui Dieu? Hein? C'est qui Dieu? C'est qui le Seigneur Jésus? Plus on le connaît, plus on va l'aimer, plus on va l'adorer. Plus on sait, on se rappelle, on pense, c'est qui. Alors, dans le psaume 19, on va voir que Dieu veut se révéler. Il veut qu'on comprenne qui il est. Hein? On veut qu'on comprenne qui il est. Et il se révèle. Et on va voir, il se révèle par la nature. Hein? Au printemps, c'est le temps. Alors, et par sa parole, il nous parle, Dieu nous parle. Il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on sache qu'il est miséricorde, qu'il est miséricordieux, qu'il est amour. Hein? On veut tous être aimés, mais Dieu est amour, c'est sa personne. Et fidèle, tout puissant, et plus on va le connaître, plus on va l'adorer. Progressivement, en connaissant Dieu, la parole, et même l'Ancien Testament, on apprend à connaître le Seigneur Jésus, hein, à le connaître. Et c'est vers ça que ça nous amène. Et on va voir aussi que la parole personnifie le Seigneur Jésus. Lui et la parole sont très intimement liés. Alors, le sujet du psaume 19, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est Dieu est le sujet, l'Éternel, non seulement du psaume 19, mais bien sûr de toute la Bible. Et toute la Bible a été écrite dans un seul but. Vous savez, c'est quoi le but de toute la Bible? Le connaître. Pourquoi? Pour l'adorer, pour sa gloire. Voilà. Tout ce qui existe, tout l'univers,

en regardant la nature, en observant, et le printemps, c'est une très belle, un très beau moment pour commencer à voir la naissance, la provision de Dieu, les récoltes. C'est extraordinaire, hein, la nature, les cieux, de regarder le ciel, hein, aller dans un endroit très obscur, puis regarder l'univers, les étoiles, la gloire, la grandeur, la toute-puissance, la fidélité, la régularité. Hein, il parle de la régularité du soleil, de la création. Combien c'est grand et combien nous sommes petits. Nous sommes petits devant Dieu. Hein, et partout, on peut voir Dieu, même ceux qui sont aveugles, ils sentent la chaleur, ils nous disent, hein, on ne peut pas se cacher de l'effet de la nature, de voir la nature et de connaître Dieu. Quand on se promène, hein, y en a qui font de la course, y en a qui se promènent dans la nature, hein, c'est le temps de faire des belles marches cette semaine. Pensez à Dieu qui a créé tout ça. Vous savez, c'est extraordinaire. Quand on sait comment les choses sont faites, vous savez, les troncs d'arbres, ça vient du carbone qui est dans l'air, des arbres ramassés, c'est pas dans la terre. Hein, ça fait du bois solide. C'est extraordinaire, tout ce qu'on peut découvrir, hein, dans la nature qui nous parle de Dieu. Et de penser à Dieu quand on se promène, hein, c'est un bon temps pour prier aussi. D'ailleurs, dans le psaume 8, hein, quand il s'exclame au verset 3 et 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Hein? Dieu, le créateur de l'univers, s'occupe de nous, de moi personnellement. Waouh! C'est quelque chose, c'est une exclamation. Ça, c'est David. Hein? Waouh! Il est émerveillé. Si on veut le cœur de David, on va être émerveillé devant la création de qui est Dieu. D'ailleurs, dans Romains 1, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et ils sont donc inexcusables, il n'y a pas d'excuse de ne pas connaître Dieu. Après la nature, Dieu se révèle par la parole. Et la parole personnifie aussi le Seigneur Jésus, qui personnifie la parole. C'est interrelié, les deux. Interrelié. Vous savez que le Seigneur Jésus est la parole? C'est la parole. Si on veut connaître le Seigneur Jésus, si on veut connaître Dieu, ben, connaissant la parole, on va le connaître. C'est pour ça qu'on n'a jamais fini de le connaître. On n'a jamais fini de connaître ce que Dieu dit. Mais c'est comme ça qu'on va connaître Dieu. Hein? La nature nous donne un aspect, mais la profondeur, c'est dans la parole. C'est pour ça qu'il faut creuser. Hein? Regardez, on va se rappeler ce que plusieurs connaissent. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... La parole était Dieu. Bon, c'est ce qui est écrit. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière nuit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et on pourrait continuer, évidemment. Ça, c'est l'évangile de Jean. Et vers la fin de l'Apocalypse, hein, on voit le Seigneur Jésus apparaître. C'est quoi le nom qui lui est donné ici? Son nom est la parole de Dieu. Hein? L'identification du Seigneur Jésus. Alors, la parole de Dieu va nous révéler le Seigneur Jésus et l'Éternel, hein? Qui est Dieu. Connaître Dieu, les détails. J'ai soif de le connaître pour mieux l'adorer, pour mieux lui rendre gloire. Pourquoi, qu'est-ce que dans notre culture, à l'école, partout, on va nous dire, ou même d'autres églises? Oh, mais la Bible, tu sais, chacun peut interpréter ce qu'il veut. Hein, on est tous libres. D'autres vont dire, trop compliqué. C'est pas clair. C'est difficile à comprendre. D'autres vont dire, oui, il y a une partie qui est vraie, mais moi, cette partie-là, ce livre-là, cette affaire, non, ça, je ne suis pas d'accord. C'est comme, c'est toi qui dis qu'est-ce que Dieu devrait penser plutôt que Dieu, qu'est-ce que toi, tu devrais penser. La culture, la Bible, c'est désuet. Hein? Ça, écoute, il y a 2000 ans, hein? 2000 ans, c'est vieux, ça. C'est pas applicable, c'est pas moderne, c'est pas sur TikTok ou je ne sais pas quoi, là. Ça ne s'applique pas à mes problèmes aujourd'hui, ça. Hein? Comment je sais que ça s'applique? C'est quoi l'aspect pratique, concret? Eh bien, moi, je veux vous dire, la façon de savoir que la Bible est vraie, c'est aussi comment elle agit dans les vies des personnes. Les changements dans la vie des gens, dans leur sanctification. Quel effet elle a dans l'âme, dans la pensée? Vous savez, on est dans une époque où les gens n'aiment plus lire des livres. Hein? Jean-Claude travaille avec Publications chrétiennes. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui lisent encore, heureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui... Des jeunes, aujourd'hui, on lit la longueur d'un écran. Après ça, ça devient trop long. Trop fatigué. Il faut prendre l'habitude. Moi, je vais vous dire, il y a quand même, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, c'est s'exercer à lire. Plus on lit, plus on aime ça. Alors, c'est comme, hein, plus on lit, plus on aime, plus on aime, plus on lit. Et je dirais aussi, il y a un autre outil, c'est qu'on peut écouter aussi. Hein, au fond, la foi aussi, vient aussi de ce qu'on... On entend, hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on peut écouter. Hein, ça, c'est plus peut-être moderne pour certains, mais un n'exclut pas l'autre. Okay, alors, il faut les deux. Alors, nous allons regarder les six phrases qui nous parle de la parole de Dieu, qui nous décrivent dans le psaume 19. Alors, six phrases extraordinaires. On veut essayer, chaque phrase, c'est fait comme ça. Les psaumes étaient chantés. Hein? On se rappelle des fois quand c'est chanté. Je pense que Mathieu disait ça ce matin. Quand c'est chanté, on comprend. Moi, j'aimerais voir un jour un cantique qui est fait à partir de tout le psaume 19. J'aimerais ça, mais bon. Chanter. Alors, il fait en trois parties. Chacune des six phrases est faite en trois parties. La première partie, c'est le nom qu'on donne à la parole de Dieu. Hein? Alors, c'est le titre. Le deuxième, c'est les qualités de la parole de Dieu. Et le troisième, c'est les bénéfices de la parole de Dieu. Le nom, les qualités, les bénéfices, chacune des six phrases. Alors, et le mot-clé dans les six, c'est de l'Éternel. L'Éternel. Vous savez, quand on dit Dieu, beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnages qui s'appellent Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Hein? L'Éternel, c'est l'Éternel. Il y en a un seul, puis il y a un seul Dieu. Hein? C'est l'Éternel. C'est pour ça, la parole, la loi. Alors, les six noms de la parole de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. C'est six phrases qui décrivent la parole de Dieu. C'est quoi les six qualités? Parfaite, véritable, droite, pure dans le sens de clair, pure sans impureté, vraie. C'est quoi les six bénéfices? Elle restaure l'âme, elle rend sage l'ignorant, elle réjouisse le cœur, éclaire les yeux, subsiste à toujours, tous justes. Sinon, six qualités, six bénéfices. On va les regarder un à un. Et c'est quelque chose à méditer. Hein? À méditer pour nous. Le premier, la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. La loi, la Torah. Le mot, c'est Torah, la loi. C'est l'enseignement de Dieu. C'est l'enseigne, c'est qu'est-ce que Dieu enseigne? Dans la Bible, Dieu enseigne à l'humanité quoi croire, comment être, comment vivre, comment prendre des décisions, qui il est, avoir une relation avec lui, l'adorer. Alors la première qualité de la loi de l'Éternel est parfaite. Parfaite ici dans le sens de complète. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien à ajouter, et il ne faut pas en relever quoi que ce soit. Elle est parfaite, elle est complète, entière, suffisante, en toute chose spirituelle. Alors évidemment, c'est contraste avec incomplète, imparfaite, mais il ne manque rien. Il n'y a rien à ajouter, pas besoin d'autre chose. Tous les côtés sont là pour couvrir les facettes de ma vie, sur le côté spirituel, ma relation avec Dieu, mes décisions, il ne manque rien. J'ai une décision à prendre. Où est-ce que je vais aller d'abord? La parole de Dieu. Est-ce que ça dit quelque chose là-dessus? Si ça dit quelque chose, je n'ai pas besoin de me poser trop de questions. Hein? Si je sais qu'est-ce que Dieu veut, je vais vous dire, je devrais le faire. Hein? Je n'ai pas besoin de me poser de questions. Alors, les principes, les vérités, et les appliquer dans notre contexte, on va le voir, c'est encore valable aujourd'hui. Alors, le premier bénéfice, elle restaure l'âme. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués, déprimés un peu, abattus, tristes? Bon, ben, vous voulez être restauré, avoir votre âme restaurée? Je vais vous donner le médicament. Miracle! La parole de Dieu. Vous savez, elle est suffisante de convertir, transformer, rafraîchir, rénover. Puis on cherche tous des fois, hein? En l'observant avec foi, elle va me transformer dans toute chose. Moi, je peux vous dire depuis un peu plus que 50 ans, j'ai été transformé. J'ai travaillé avec Jocelyn. J'ai eu l'honneur de travailler avec Jocelyn il y a très, très longtemps. J'ai changé. Après ça, j'ai travaillé avec Jean-Claude. J'ai encore changé. Puis depuis que j'ai commencé à travailler avec Jean-Claude, j'ai encore changé. C'est la parole qui m'a transformé. J'espère en mieux. Hein? Oh. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais la parole a été au centre de la transformation que l'Esprit de Dieu a utilisé pour me transformer. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun de nous. Et quand je lis la parole, je la lis dans l'attente que je vais apprendre quelque chose qui va me changer, qui va changer mon cœur. C'est pour ça qu'on l'étudie. Et on va l'utiliser pour conseiller, corriger, encourager toute écriture inspirée de Dieu, etc. Elle est indispensable. Counseling, sans la parole de Dieu, j'ai un frère qui a un doctorat en psychologie, c'est un psychologue. Puis on a des discussions parfois, mais bon, il y a des idées. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont très mauvaises. Mais bon. Mais la parole, là, je peux vous dire, ça se trompe jamais. Jamais, jamais. Jamais trop. On va faire une indigestion de la Bible. Non, non, on ne fait pas. Jamais, jamais. Moi, je vous garantis, vous ne ferez jamais. Vous ne l'étudiez pas assez. Moi, je vous le dis. Hein? Il y en a qui pensent, c'est assez. Non, non, ce n'est pas assez. Il en manque. Moi, j'ai étudié beaucoup, mais vous voyez, j'ai appris des choses ce matin. Il en manque. Hein? Ce n'est pas assez. Je n'ai pas été assez. Deuxième titre, le témoignage de l'Éternel, c'est ce que Dieu dit de lui. Il témoigne, c'est ce que Dieu dit et demande. Ce qu'il atteste de lui-même, témoignage, est véritable. Est véritable. Sûr, ferme, vrai, sans erreur, fiable. Hey, dans le monde d'aujourd'hui, c'est rare, hein? Pas d'erreur. Fiable, digne de confiance, inébranlable, c'est la vérité unique. Vous savez, une des choses que Dieu a utilisées pour me conduire au Seigneur, c'est il y a 51 ans, à peu près, hein, je parlais à un chrétien qui me disait, il parlait de la Bible, etc., les prophéties, tout ça. Puis à un moment donné, il m'a donné un pamphlet. Dans le pamphlet, ça disait, si tu trouves des erreurs dans la Bible, que tu peux prouver en cours, tu gagnes 100 000 $. Alors, je ne sais pas, ils distribuaient ce pamphlet-là dans le temps. Ceux qui sont plus âgés, peut-être qu'ils l'ont vu. Alors, moi, j'ai dit, je vais gagner 100 000 $. Puis, je n'ai pas été capable. Okay? Alors, c'est la vérité unique. C'est la vérité. Dans tous ses aspects. Vous pouvez y parier non seulement vos vies, mais toute l'éternité. C'est le meilleur pari que vous pouvez faire, sans hésitation. Ce qu'il y a écrit, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas des hommes qui l'ont écrit tout seul. Oui, c'est différent de ce qu'on apprend dans les choses humaines. Les choses humaines sont imprécises, changeantes, peu fiables, erronées, influencées par la culture, l'opinion, l'Internet, les médias sociaux. Chacun a sa vérité. Non, c'est la seule et unique vérité absolue. La recherche de vérité, les gens, ils cherchent la vérité. Qu'est-ce que la vérité, hein, Pilate? Je suis le chemin, la vérité, hein? Et la vie. Bon, alors, il n'y a pas chacun sa vérité, il y a celle de Dieu. Puis laissez-moi vous dire, c'est lui qui a la vraie. Jean 17, 17, dit « Sanctifie-les par ta... » par la vérité, puis après il dit, ta parole est la vérité. Bon, alors Seigneur Jésus, la parole. Une vérité absolue, pas relative. Ah, ça dépend. Non, non, c'est la vérité. Elle a un bénéfice. Elle rend sage l'ignorant. Wow! Le simple, celui qui est simple. Au début de ma vie chrétienne, ça m'avait frappé. Une dame, elle doit être décédée aujourd'hui, elle était plus âgée. Puis c'était une dame très simple. Et ça m'avait... je trouvais ça extraordinaire. J'étais nouveau chrétien, j'ai une petite église, un peu comme ici, à Chomédé. Puis elle disait des choses dans la parole de Dieu profondes. Puis elle avait une sagesse extraordinaire. Puis c'était une dame qui faisait des ménages, qui n'avait pas d'études, de rien. Mais elle connaissait la parole, puis elle avait une très grande sagesse. Les gens allaient vers elle pour avoir des conseils. Wow! Ignorant, ici, le mot simple ou ignorant, c'est une porte ouverte. Il absorbe n'importe quoi. Hein? Tout entre. Naïf, pas de filtre. Insensé, ignorant aux yeux de Dieu. Pense savoir et ne sait pas. Évidemment, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'habileté dans les choses de la vie selon Dieu. Ce n'est pas être vieux. Alors, j'avais un ami, alors je disais, ben, je commence à être âgé. Il disait, non, ce n'est pas l'âge, c'est la sagesse. Mais il y a des personnes âgées qui ont manque de sagesse, puis il y a des personnes plus jeunes qui ont beaucoup de sagesse. Ce qui fait la différence, c'est leur application de la parole de Dieu, la connaissance et l'application. On peut être très jeune et être sage. Et on peut être très âgé et insensé. Alors, ça nous donne... c'est Dieu qui a toutes les réponses. Alors, si on a la pensée de Dieu, on a la maturité, le discernement, une pensée stable. C'est un garde-fou aussi qui nous empêche de tomber, de choisir. On a la sagesse de faire les bons choix dans la vie. Hein, quelle étude je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette profession? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette autre? Et si on veut affermir les jeunes, les enfants, et ici les parents, c'est très important. Vous voulez que vos enfants deviennent plus sages, plus matures? Ben, la parole de Dieu. Jamais assez. Jamais assez. Vous savez, des fois, mais ça reste. Vous savez, il y a des choses que j'ai un de mes fils. Il me dit, moi, quand je serai grand, je ne serai pas sans. Puis ça, c'était des choses bibliques. Je dis, OK. Mais je continuais. Hein? Aujourd'hui, beaucoup des choses qu'il disait, je ne ferai pas ça, il les fait avec ses enfants. Alors, parce que c'est dans la Bible. C'est resté. Ça reste. Même quand ils ne sont pas d'accord, ça reste. Puis ça a un effet plus tard. Enseigne à l'enfant les choses qu'il doit suivre. Quand il sera grand, là, vous allez voir. Des fois, mais on leur dit pas, hein? On leur dit pas. C'est juste. Vous savez, j'ai passé beaucoup d'années à étudier, enseigner des principes bibliques. Je les ai même appliqués au travail. Vous savez, la sagesse, je les ai appliqués au travail. Une bonne partie de ce qu'on fait, ben, qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce qu'on devrait faire du leadership, diriger des entreprises, travailler en équipe? Ben, c'est dans la Bible. Alors, on utilisait les principes. Alors, je donnais les cours dans des églises ou dans des œuvres missionnaires. Puis, j'enlevais les versets, je les redonnais dans des grandes organisations, la Banque nationale ou autre. Mais c'était les mêmes principes. Hein? Mais on enlevait les versets pour que ça ne fasse pas... culte du temple solaire ou quelque chose. Mais c'est la sagesse de Dieu. Ça marche. Et dans l'œuvre de Dieu, souvent, est-ce qu'on applique toujours la sagesse de Dieu, ce que Dieu dit? Alors, on ne va pas être des experts en psychologie, en science, en médecine, en politique, en opinion. Alors, moi, je ne m'implique pas. Il y en a qui disent, les vaccins, regarde, je ne suis pas médecin. Qu'est-ce que Dieu dit? Bon, s'il ne dit pas, ben, regarde. Alors, dans ma vie, par contre, l'Église, le mariage, la famille, le travail, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On fait du coaching. Je veux aider des gens à s'améliorer. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? La troisième, les ordonnances de l'Éternel, les préceptes, prophètes, les principes divins, les statuts, les guides, les directives sont droites, exactes, montrent le droit chemin, pas perdu dans la route tortueuse, dans la brume. Vous savez, je suis venu ce matin, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour arriver à la bonne place? Un GPS, mon téléphone. Puis vous savez, ça fonctionne bien. Des fois, il se trompe. La Bible, jamais, mais là, il ne s'est pas trompé. C'est pour ça que je suis ici. Et la Bible, c'est le GPS fiable qui te dirige sur la bonne route, même après tous les détours. C'est le chemin. Je suis le chemin. Le chemin, droit. Hein? Les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, « Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je ne sais pas, je vais me perdre d'ailleurs. Alors, évidemment, une fois que je sais ça, je vais avoir la joie. La joie. Est-ce que vous êtes trop joyeux ce matin? Vous devriez en passant, mais nous devrions. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la joie. Si vous manquez de joie, vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Non. La parole de Dieu va nous donner la joie. Une des caractéristiques du chrétien, c'est la joie, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie. Comment on va avoir la joie? La parole de Dieu. On va étudier la Bible, on va être joyeux. Si on l'apprend, on l'absorbe, on la met en pratique. Une joie que les circonstances ne peuvent pas enlever. Perspective éternelle. Hein? Quand je regarde les choses dans leur ensemble, à travers la parole, je sais où je suis, où je vais. Je n'ai pas de tristesse, de doute, de trouble. Tout est temporaire ici sur terre. Mon cœur et mon âme sont réjouis par la parole, collés à sa parole. Ceux qui suivent le Seigneur Jésus, un de leurs signes, qui attire. Hein? On ne marche pas la mine basse. Dieu ne veut pas nous... Non, un chrétien, un vrai chrétien, il doit être joyeux, content. C'est pas bon, mais c'est parce qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ci. Non, c'est pas ça. On est joyeux, on est privilégié. Dieu ne veut pas enlever les plaisirs. Il veut que la vraie joie, dans quelque chose de profond, de durable, qui disparaît pas et qu'on va avoir pour toujours dans la vérité. Alors, méditez les promesses de Dieu pour être joyeux. Vous savez, un des versets à lire, à méditer, Jérémie 15, 16. Aussi. Mais on va aller, Jérémie 15, 16, est-ce qu'il y en a qui le connaissent par cœur? Dans d'atroces souffrances. Alors, écoutez bien, dans d'atroces souffrances. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors, si vous avez des souffrances atroces, ça peut arriver. Jérémie 15, 16 va vous aider. La joie dans la vérité, pas dans les émotions, les choses du monde. Quatrième qualité, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ici, le mot pur, il y a deux fois le mot pur, mais le premier, je l'ai noté dans la lecture, c'est clair, ils sont clairs. On pourrait, dans la traduction, dans l'original, c'est barre, c'est clair, limpide, transparent. La parole de Dieu est claire. Elle n'est pas floue, elle est illuminée. Vous savez, elle est tellement claire qu'elle allume. C'est la lumière. C'est un peu dans ce sens. Elle n'est pas sombre, obscure. C'est pas avec des raisonnements compliqués. C'est pas vrai que c'est compliqué. Oui, des fois, il faut étudier un peu le contexte, surtout quand on va dans l'Ancien Testament, etc. Mais c'est pas compliqué. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. La parole de Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Elle éclaire les yeux. C'est pas confus. Hein? Tourmenté, assombri. La stratégie de Satan, c'est aveugler les yeux des aveugles qui conduisent. Ça, c'est Satan. Les chrétiens, ils ont les yeux ouverts. Ils voient clair. La parole, c'est la lumière à éclairer autour d'eux. On peut voir. Ça c'est l'obscurité. Moi, je vois clair. Je sais. Théologie, c'est clair. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas confus, ça. Hein? Les grandes vérités théologiques doivent être très claires, précises, concrètes. Lire la parole pour discerner les pièges, les saletés, le péché. Vous savez, vous allumez, c'est comme il y a des coquerelles partout. Tu allumes la lumière, qu'est-ce qui arrive? Hein? Disparaissent. Alors, on va l'utiliser pour éclairer le cœur. Vous savez, j'avais une. Dans un des ministères où je travaille, il y avait un employé problème. Mais le cœur n'était pas clair. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai lu un texte, puis ça, vous ne pouvez pas savoir comme ça a révélé son cœur. Elle a dit non, je ne l'accepte pas. J'ai dit, mais c'est ce qui est écrit. Elle a dit non. Ça a réglé le problème. Ben, de comprendre son cœur. En lisant la parole, en l'appliquant, mais. Le cœur se révèle. Le cœur se révèle. Alors, il faut se méfier des raisonnements compliqués. Hein? Surtout ceux qui font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La culture, le biais, ce que les autres pensent. Quand on écoute un prédicateur, est-ce qu'il dit ce que la Bible dit clairement? Moi, je dois me demander, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai caché quelque chose? J'ai manqué quelque chose? Est-ce que c'est simple? Alors, un peu comme, et c'est ce qu'on a appris à FTS, les règles d'interprétation. Dire, expliquer ce que Dieu dit. C'est ça. Moi, j'aime quand vous faites la prédication par exposition. Hein? Je prends un texte de la Bible, puis j'explique, etc. Je ne donne pas des symboles sans raison, pas de contradiction avec les autres textes. Dieu ne se contredit pas. Je me rappelle toujours le contexte d'aimer Dieu et son prochain, et on ne change pas de règles d'interprétation. Vous savez, les persécutions s'en viennent. Hein? Et pour vivre dans un monde où on va être persécuté, on ne les cherche pas, mais il faut être prêt à souffrir pour proclamer la vérité pure, pas faire de compromis. Et pour ça, il faut être convaincu que tout ce qu'il y a dans la parole est vrai, est bon, est pur. Parce que c'est clair. C'est clair. C'est pur. Le cinquième titre, ici, c'est pur dans le sang de saint. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de défaut. Si vous regardez un diamant, parfait, il n'y a pas de petits défauts, de corruption. Il est pur à 100%. Il n'y a pas de corps étranger dedans. Il n'y a pas d'imperfection ajoutée. Pas le péché, le mal, la corruption. Dans le psaume 119, au verset 117, il parle d'argent purifié sept fois. Alors, étant donné qu'elle est pure, elle ne pourra jamais être corrompue, elle subsiste à toujours. S'il y a quelque chose qui est encore courant aujourd'hui, en 2026, c'est la parole de Dieu. Depuis des milliers d'années et jusqu'à la fin des temps, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Dans un monde qui change tout le temps, si vous voulez, le roc, d'ailleurs, il termine avec ça. Mon rocher. Vous voulez quelque chose de solide, là, qui ne changera jamais? dans un monde qui change tout le temps, c'est la parole de Dieu. Ça ne change pas, ce n'est pas des sables mouvants. Hein? Ça ne vieillit pas, ça ne change pas. Alors, toujours pertinent, toujours applicable, lis, relis. Et vous savez, je relis la parole de Dieu, je relis un texte. Puis avec les expériences de ma vie, ah, je comprends des nouvelles choses. Je ne sais pas si vous êtes retourné dans des textes que vous aviez lus. Ah, regarde, c'est ça que ça dit. Ah, je n'avais pas vu ça. Hein, c'est riche, c'est incroyable. Et il faut se rappeler, elle subsiste à toujours. Elle subsiste à toujours. On pourra, vous savez, à travers l'histoire, tout le monde a essayé de détruire la Bible. C'est encore le livre le plus répandu sur la terre. C'est Dieu qui le protège. Il a protégé sa mise en place et il a protégé sa diffusion. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va pouvoir détruire la parole de Dieu. Les gens ont essayé d'exterminer les chrétiens. Ça ne partira pas. La Bible va rester là. Va rester là. Et le dernier, les jugements de l'Éternel. Les jugements, les verdicts divins. C'est le juge. C'est un terme juridique ici. Il va juger la terre. Il va nous juger. Il va décider qui est sauvé, qui est perdu, qui va en enfer, qui va au ciel. Il va décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et savez-vous, c'est quoi la définition de ce qui est bien? C'est qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est mal? C'est qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Qui décide? Dieu décide. C'est pas moi qui décide et qui lui dit. C'est lui qui décide et qui nous a dit dans la parole. C'est pas relatif à une situation. Ce qui est bien, c'est absolu. Ils sont vrais. Ils sont sans erreur. Ils se trompent jamais. On lit des fois dans l'Ancien Testament et vous faites les survols, c'est très bien. Hein? Dieu a fait ça. Oui, mais ses jugements sont justes. C'est lui qui a raison. C'est pas moi. C'est pas ma façon de penser qui compte. C'est la sienne. C'est à moi d'adapter ma façon de penser à la sienne. C'est pas à lui de prendre ma morale qui vient de ma culture. Et donc, ils sont justes. Je peux lui faire confiance pour tous ses jugements. Ils sont tous justes dans leur entièreté. Un tout. Ce n'est pas un menu, hein, où je prends des morceaux. Tous. Hein, ils sont tous justes. Je prends un morceau, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, non. C'est tout. C'est la seule autorité morale infaillible. Ce n'est pas chacun à son opinion. Une seule autorité. L'amour de Dieu, sa justice. Le ciel, l'enfer, pas le choix. Pas le choix. Et Dieu et sa parole vont me juger, et ce n'est pas moi qui juge Dieu. Maintenant, la conséquence après. Hein? Une fois qu'il a parlé de la parole, David, il s'exclame, « Hey, c'est le plus grand trésor !» Vous savez, on travaille fort pour gagner de l'argent, hein? Oui? Oui. Ben, à un moment donné, il en faut, hein, pour payer le chauffage, la nourriture. Puis... Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux à aller chercher sur la terre? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Vous savez, ça nous dit que c'est plus précieux que l'or. Vous savez combien il vaut l'or aujourd'hui, hein? Je ne sais pas si vous avez des lingots d'or, mais si vous regardez, ça a monté beaucoup. Hein? Ça vaut très cher, mais ça valait très cher dans ce temps-là aussi. L'or fin, hein, pur, aïe, ça vaut cher. La parole de Dieu vaut très cher. Très cher. Elle vaut cher. C'est la valeur suprême, c'est le bien le plus précieux. Le plus précieux d'avoir accès. Et nous sommes privilégiés. On a des livres, on a des applications sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. On peut la lire tout le temps. On l'a dans des versions. Hey, c'est riche, ça. On est privilégiés. Les gens y recopient à la main dans le temps. Hey, c'est précieux. ça vaut cher. En fait, c'est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir. C'est ce qu'il nous dit. Faites l'inventaire de vos biens, puis dans l'inventaire, mettez une Bible. Puis vous avez la majorité ou la totalité. Les biens matériels qu'on a, ils vont tous disparaître. La parole ne disparaîtra pas. C'est ainsi la source du plus grand plaisir. Dans le temps, le miel, c'était ce qu'il y a de le doux, là. Le grand plaisir de c'est le miel. Quand je le lis, là, c'est ça goûte bon. C'est ma relation avec le Seigneur et sa parole. Dans le temps, plus grand que les plaisirs du monde. Et il nous promet pour qui il est. C'est pas celui qui les écoute ou les apprend seulement. C'est qui les observe et met en pratique. La récompense est grande. La récompense, savez-vous, sur cette terre et dans l'éternité. Les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il y a des récompenses dans les deux. Alors, il ne faut pas être des pharisiens. Hein? Ils disent et ne font pas. Hein? C'est qui dit. Moi, alors, récompense plus tard et déjà ici sur terre. Wow! La valeur, la richesse. Alors, je vais rechercher la parole, la ruminer, la méditer, la lire, l'écouter, mais surtout la mettre en pratique. Moi, je vous dis, je sais plus de choses dans la parole de Dieu que je mets en pratique. Alors, je travaille tout le temps à essayer de rattraper. Dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Dieu, et c'est peut-être ma bénédiction pour dire comme Matthieu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. L'Éternel se révèle par l'impact de sa parole sur notre vie. Et ça doit être notre témoignage. C'est comment je vis. C'est notre plus gros, notre plus beau témoignage. C'est moi, comment je suis, comment je vis. Comment je vis. Alors, quel impact ça a sur David? Mais on va le voir, on va aller, l'heure est avancée. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Alors, en regardant la parole, en écrivant ça, il se regarde puis il se voit pécheur. Puis il se dit, il y a des choses que je n'ai pas réalisées que j'étais pécheur, que je découvre au fur et à mesure, quand on grandit, on vieillit, on dit, hey, je fais ça, puis je ne savais pas que c'était péché, mais là, alors, on apprend tout le temps, on a tout le temps du travail à faire, moi je peux vous dire, après 50 ans aussi de vie chrétienne. Alors, il a appris ça, et il dit, pardonne-moi ce que j'ignore, ce que je vais découvrir plus tard. Il y en a qui le savaient, mais d'autres. Et donc, il confesse ses péchés. Ça amène. La parole de Dieu va nous amener à l'humilité. À l'humilité, à confesser ses péchés, à regarder nos angles morts. Pardonne-moi, à demander pardon et à demander à Dieu de sonder nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et il va nous transformer. Alors, et la réaction à la parole aussi. C'est nous éloigner des orgueilleux. Vous savez, une des choses très importantes pour les parents, c'est d'éloigner nos enfants des orgueilleux. Une des choses plus importantes pour les jeunes, c'est de leur apprendre à s'éloigner eux-mêmes des orgueilleux. Des gens, « Ah, moi, je suis capable! » On est dans un monde où c'est « je suis capable, je suis fort! » Quand on chante, je suis fort, fort, plus que vainqueur, les jeunes, ils aiment ça. Parce que, ils sont, non, c'est fort spirituellement, c'est, mais fort. C'est, alors, la réaction à la parole. Garde-moi de suivre les orgueilleux. Garde-moi qu'ils ne me suivent, que je ne les suis pas, qu'ils ne dominent pas sur moi, qu'ils ne me donnent pas leurs habitudes, que je ne devienne pas comme eux. Orgueilleux. Moi, je suis bon. Moi, je suis capable. Non, sans Dieu, on ne peut rien faire. Je dépends de Dieu, de ma relation avec Dieu. Pas de compromis. Leur faire plaisir, les orgueilleux. C'est Alors, ça doit être le guide. Alors, en terminant, sinon, six qualités, parfaite, véritable, droite, claire, sans impureté, vraie. Six caractéristiques de la parole, notre Seigneur Jésus. Connaissance, restaure l'âme, rend sage le simple, réjouit le cœur, qui nous donne une joie véritable et durable, éclaire les yeux, pas de choses sombres, subsiste à toujours, juste, on peut s'y fier pour la vie et pour l'éternité. La finalité, dans le psaume 19, reçoit, on se tourne vers Dieu et on le prie, on l'adore, favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ce n'est pas juste la bouche, ce n'est pas les paroles, même les actions, c'est le cœur. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Et la parole va transformer mon cœur par la vision de Dieu. Et la parole, le but, c'est qu'à la fin de tout ça, j'adore l'Éternel. Courbons-nous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es et comment t'adorer, t'aimer, qui nous donne la connaissance, la sagesse, la joie. Oui, Seigneur, aide-nous à t'adorer, toi le Créateur. Reçois favorablement les paroles de notre cœur, toi notre rocher, notre libérateur. En Jésus-Christ, tu nous as libérés du péché. Oui, que les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur te rendent gloire. Donne-nous l'intégrité de marcher droit devant toi, d'être, de vivre ce que tu veux que nous soyons, que ça se voit, cette intégrité, d'enseigner qui tu es. Garde-nous de l'orgueil et des orgueilleux. Garde-nous attachés à toi, c'est le Seigneur Jésus, à ta parole. Toi, l'Éternel, aide-nous à réaliser le trésor que nous avons dans la parole, d'avoir un cœur éternellement reconnaissant pour toujours. Aide-nous à saturer notre vie par ta parole pour t'adorer, te ressembler et t'aimer de plus en nous. Seigneur, révèle-toi à nous, nous voulons t'adorer. Amen.